les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'opérette, bien sûr, vous n'aimez pas. Raison de plus pour écouter l'émission qui suit, Légère, du Champagne. Bien sûr, l'opéra, c'est mieux, c'est plus classe. Il est plus avouable et plus valorisant de parler d'opéra plutôt que d'opérette. Mais si l'opérette, c'était la fête? Certainement, puisque ce titre, tout simple, est dit, tout simplement, par une actrice que vous identifierez immédiatement. L'opérette, c'est la fête, une série de Jacques Rouchouz qu'il proposait au début des années 80 sur France Culture, l'été. Voici la saison 1986. L'opérette, quelle opérette? L'opérette en France. Voici donc un tour de France des programmes. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda-Philides. Première diffusion, août 1986. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bonjour. Après les séries précédentes, l'histoire de l'opérette française, puis de l'opérette viennoise, qui avait pour but de faire mieux connaître les compositeurs et leur musique, voici cette année le tour de France de l'opérette. C'est que, si l'opérette est née à Paris, elle a pratiquement déserté la capitale, pratiquant, avant que le mot ne soit à la mode, une sorte de décentralisation forcée. Mais elle n'est pas morte pour autant, comme certains pourraient le croire. Au contraire, elle est bien vivante grâce au théâtre de province qui pratique depuis longtemps et avec bonheur la cohabitation entre l'opérette et l'opéra. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Le soleil dans les cieux nous dira bon voyage et nous suivra joyeux de village en village. Si la lune après lui parvient à nous surprendre et nous aurons l'herbe tendre pour y passer la nuit. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie, que nous suivrons vous et moi. Suivons la route fleurie, suivons la toute la vie, le cœur en joie, vous et moi. Les rencontres avec ceux qui font vivre et survivre l'opérette, chanteurs, chefs d'orchestre, directeurs, amèneront naturellement, au gré de leurs souvenirs et de leurs projets, les plus beaux airs de ce répertoire qui fait partie de notre patrimoine musical unique au monde. Les premières étapes de ce Tour de France, que nous allons faire par le chemin des écoliers, seront successivement Reims, Bordeaux, Avignon, Rouen et Toulon. Allons, suivez-nous et partons pour le Tour de France de l'opérette. Dans les geniers, dès l'aube du jour qui naît. Il trotte vers l'aventure, il trotte petit poney. Partant, au bruit joyeux des grelots, dans le joli trémolo, s'envolent tous les échos. Il trotte vers l'aventure, il trotte sous les grelots. Partant, adieu le vieux donjon, cerné de lierre et de pigeon. Adieu le presbytère ou le curé, disons pater. Adieu, lisons. Adieu, Susan. Compagne des belles saisons. Partons en quête de vrai bonheur, l'amour chante dans nos cœurs, au pas d'emponner mon cœur. Et trotte vers l'aventure, emporte-nous vers le bonheur. Partons au pas d'un petit poney. Et trotte, partons. J'allais oublier de vous dire que de temps en temps, une petite rubrique anniversaire viendra fêter les grandes figures de l'opérette, disparues ou non. Mais partons pour notre première étape. Et comme dans l'opérette, l'importance est le clin d'œil, illustrons ce départ avec Le voyage à Reims de Rossini. C'est donc à Reims que nous sommes allés, tout comme les rois autrefois, faire baptiser cette série d'émissions. L'actuel Grand Théâtre de Reims, succédant à d'autres depuis 1777, date de 1931. On a conservé la façade de l'ancien bâtiment, bombardé pendant la Première Guerre mondiale. À Reims, opéra et opérette ont toujours cohabité au même foyer. On ne peut citer tous les ouvrages représentés à Reims, disant seulement que celui qui arrive en tête est sans conteste Les Mousquetaires au couvent, qu'a si souvent chanté Michel Danse. Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux, bon cœur et mauvais caractère, se bien battre et boire encore mieux. Et pour fuir toute folle ivresse, où se perdrait notre raison, comme on change de garnison, il s'y est de changer de maîtresse. Oui, l'année, c'est bien là, se conduire en vrai mousquetaire. À nous les folles nuits d'ivresse, vins généreux, cœur sans façon, à nous plaisir, gloire et maîtresse. Vive l'amour et les chansons. Mais au lieu de cela, monsieur Bridel, triste songeur et solitaire, montrant tout à son noir souci, garde avec des airs de mystère des façons d'amour transi. Contre ce mal qui l'importune, je lutte en vain et je le vois, qui rêve tandis que je bois, rime des sonnets à la lune. Se conduire en vrai mousquetaire. À nous les folles nuits d'ivresse, ma généreux, cœur sans façon, à nous plaisir, gloire et maîtresse. Vive l'amour, vive l'amour et les chansons. À tout seigneur, tout honneur, notre première rencontre sera avec l'actuel directeur du Grand Théâtre, Guy Grinda. Versez-nous le champagne, la campagne, oh, la, car on aime la guerre, au laurier je préfère cette mousse légère qui sourit dans mon verre. Du bon, du bon, si l'exemple vous gagne, car tout n'est pas compagne, du bon, moi champagne. Des vents, sa majesté champagne est roi, plongeons-nous sous sa loi, vive le champagne, champagne est roi. Sa majesté champagne est roi, plongeons-nous sous sa loi, vive le champagne, c'est lui le roi, pour moi, pour la gloire au champagne. Guy Grinda, vous êtes directeur du Grand Théâtre de Reims, depuis quand? Je viens de terminer ma deuxième saison. Donc je commence la troisième au mois d'octobre. Et avant, vous étiez où avant? J'étais 18 ans directeur du Grand Théâtre de Dijon. En même temps, j'ai fait Besançon. Et j'ai dirigé ensuite pendant 9 ans l'Opéra de Monte-Carlo. Je viens de Monte-Carlo maintenant. Et vous avez chanté aussi? Ah, j'ai chanté, oui, j'ai chanté pas longtemps. J'ai chanté 12 ans parce qu'après j'étais directeur très jeune à Dijon. J'avais 35 ans. Et quand vous avez chanté, vous avez chanté de l'opérette? Ah oui, j'ai chanté beaucoup d'opérettes à voix, c'est-à-dire les rôles, par exemple, Zarifi dans Chanson Gitane, beaucoup Parson dans Victoriason Hussard, les rôles de Mestral, Colorado aussi, beaucoup, j'aime beaucoup l'opérette d'ailleurs. Depuis que vous êtes là, quelle place par exemple avez-vous donné à l'opérette, vous-même, oui. Par goût et par volonté? Par goût, par volonté et aussi pour le public, parce que je fais du théâtre pour le public. Le public aime l'opérette et l'opérette le fait rêver. Donc, je fais beaucoup d'opérettes par goût et par respect du public qui en demande. On a fait, par exemple, cette représentation absolument comble de Princesse Zardas l'année dernière, avec Mercès et Merval. Mais il faut le faire, ça, cette spectacle complet. Comble. Oh, princesse, oh, maîtresse de mon seul désir, je vais de beauté fugitive te saisir. Oh, salamètre de mon être, consent à choisir de me voir enfin ta captive. Quel plaisir! Tout le charme et nous enchante, tout est doux. Une voix en nos cœurs chante. Est-ce qu'il est facile maintenant, en 86, de trouver des nouveaux talents? Parce qu'il faut penser à la relève. Est-ce que vous n'avez pas, vous, des difficultés pour trouver de nouveaux chanteurs? Parce que, quel que soit le talent des autres... Nous avons beaucoup de jeunes artistes qui viennent auditionner. beaucoup sont très bien. Il leur manque justement d'aller sur les planches. Et c'est difficile de lancer évidemment un jeune dans un grand rôle d'opérette. Mais avant, c'était merveilleux ce tremplin qu'il y avait à Paris. Justement, je déplore qu'il n'y ait plus de théâtre d'opérette à Paris, parce qu'en même temps, il n'y a plus maintenant de relève des grandes vedettes d'opérette. Il n'y a plus de Mariano, il n'y a plus de Dassari, il nous reste Mercès et Merval, mais après, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que Paris ne remplit pas son rôle. Alors, quels ont été les grands moments de votre saison dernière? On a fait... Écoutez, je vais vous dire, c'est même surprenant. On a fait des salles combles avec Rêve de valse, par exemple. Mais à refuser du monde. Ah bon? Moi, j'aurais misé sur la Veuve Joyeuse. Mmh. Eh bien, on a eu plus de monde pour Rêve de valse que pour la Veuve Joyeuse. Avec qui c'était ça? Rêve de valse, c'était Jean-Marie Joie, c'était Janine Ribaud, c'était des bons plateaux. Mais je veux dire par là que Rêve de valse, c'est quand même moins populaire que la Veuve Joyeuse. Bien eh bien, on a fait trois salles, ajouté des chaises absolument combles. Et très gros succès. Vous savez, j'ai toujours du mal à parler du passé parce que je suis toujours deux ans à l'avance. Bon, alors on peut parler alors, de la saison prochaine. Alors c'est pas facile, mais saison, en tout cas, voilà. Je dois dire, notre saison a une très grosse fréquentation et que tout a bien marché. Oui, c'est une valse de Vienne, une valse au rythme berceur, dont la langueur magicienne vous pénètre de sa douceur. C'est la valse toujours pareille et jamais la même pourtant, comme l'amour qui se réveille, toujours semblable et différent. Elle est tantôt douce et joyeuse, tantôt vibrante de désir, ardente et capricieuse, triste au fond comme le plaisir. Rêve de valse, rêve d'un jour, valse de rêve, valse d'amour, levant la mer au soir exquis. Son rythme m'appelle et j'obéis. Amis, les gardes de l'écouter, ici regarde, tu dois rester. Crois-moi, résiste au doux printemps. L'hymen est triste et j'ai 20 ans. Voilà ce divine dont tu te cours. Il se devine et c'est. Viens vers la valse qui m'attire, je veux écouter sa chanson, je veux voir de près un sourire, éprouver peut-être un frisson. Demain j'essaierai d'être sage, je veux être jeune aujourd'hui. Il me faut prendre du courage, je vais ici mourir d'ennui. L'aventure n'est plus scabreuse, tu ne dois plus comme autrefois des filles mélodieuses écouter l'ardente voix. Valse de rêve, valse d'amour, levant la mer au soir exquis, son rythme l'appelle, il obéit. Amis, ne garde de l'écouter, ici regarde, tu dois rester, crois-moi, résiste au tout. L'hymen est triste et j'ai 20 ans. Valse divine, ton titre est court, il se devine et c'est l'amour. valse divine, ton titre est court, il se devine, et c'est l'amour. Et là, vous avez la prochaine saison, 5 opéras et 9 opérettes. 9 opérettes, oui, et ça, nous avons la demande pour ça. Nous avons notamment essayé de faire viennois, opérette française, que je privilégie beaucoup, comme des Véroniques, des pièces comme ça, qui sont des chefs-d'œuvre, qu'il faut absolument mettre au répertoire et continuer à laisser au répertoire. Nous avons une opérette américaine, Hello Dolly, qui n'a pas été jouée ici encore, première, ouais. Qui avait été jouée par Annie Cordy il y a quelques années, mais pas ici. C'est Jacqueline Guy qui chantera le rôle de Dolly, elle a joué à Avignon déjà. Enfin, nous avons un répertoire qui essaie d'être équilibré. Pour les fêtes, Le Prince de Madrid, avec Ricardo Garcia, Michel Herbet, Sophie Baquet, Marguerite Monpré, etc. Nous avons Pas sur la bouche, qui est une comédie musicale exquise de Maurice Yvain. C'est une très, très bonne pièce, avec Michael Pieri et Patricia Portelli. Et nous jouerons également, bon, le viennois, c'est Victoria sans hussard, qui est très belle. Ça peut être un peu jargon spectacle, parce que ça se passe tellement dans des lieux divers. Et puis nous terminons par La Mascotte. Enfin, je n'ai pas cité Les Cloches de Coréville. Qu'il va servir, cette représentation servira de support à l'ANAO, qui fera son congrès ici. Voilà, j'allais dire que vos efforts en faveur de l'opérette vont être récompensés. Mais nous sommes très honorés de recevoir ici le congrès de l'ANAO. Nous ferons le maximum pour faire un très bon spectacle. Et alors, il paraît même que Reims attire de plus en plus le public parisien le week-end, puisque ce public est privé d'opérette à Paris. Nous avons beaucoup de Parisiens qui viennent en voiture, qui viennent en train. Nous savons par les réservations, par téléphone et par les lettres, et ça intéresse. Et même, nous avons des gens qui viennent du Nord, pas mal, de Saint-Omer, et ça fait de drôles de trajets pour venir en plein hiver. Alors maintenant, vous voilà, en plus, vous avez une deuxième casquette, tout récemment. Vous voilà le directeur de l'Opéra de Toulon. Alors comment vous allez pouvoir concilier ces deux fonctions? Eh bien, c'est relativement facile parce que j'ai déjà dirigé deux théâtres plusieurs fois dans ma vie, puisque j'avais Dijon et Besançon, ensuite j'avais Dijon et Monte-Carlo. Ça ne m'effraie pas parce que j'ai la chance d'avoir un avion qui fait Paris-Toulon. Et comme ici nous sommes à une heure de Paris, Paris-Toulon, il y a trois vols par jour aller-retour. Ouais. Et mon fils qui m'aide, qui était avant 3 ans à Avignon, et au Festival d'Orange, et qui a ensuite été 2 ans directeur du CIPAL à Marseille, est ici avec moi maintenant, donc nous sommes en osmose. Et est-ce que vous aurez tendance à faire les mêmes saisons, ou alors des échanges, ou des coproductions entre vous et vous? Pas la première année, parce que c'est tout nouveau, Toulon. Donc le seul opéra que nous jouerons, si vous voulez, en coproduction, ce sera la Norma. Mais peut-être dans l'avenir, je vais arriver à... Parce qu'il y a des choses qui ont été jouées à Toulon qui n'ont pas été jouées ici, ou l'inverse. Donc il me faut au moins 2 ans pour pouvoir coordonner certains ouvrages. Et vous commencerez à Toulon avec quoi? Alors, nous ouvrons la saison d'opéra à Toulon et Don Carlos avec Caragal. Et nous ouvrons l'opérette avec une très belle production de Chauve-souris, dans les décors et costumes qui sont très beaux d'Avignon, avec une très bonne distribution. Alors c'est le champagne au pays du pastis. Oui, exactement, mais très bien. Vite dans cette copa, je te traîne la maman. Le fond de ta pose, te traîne la maman. Le champagne du stimule, la larme qui me figure. Le champagne du stimule, c'est ma vie qui s'émule. Le ventre pour choisir, pour le plaisir, et vivre la blessure. Mille fois. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. nous restons au Grand Théâtre de Reims, où nous allons retrouver un de ces artistes multiples, un de ces personnages qui font tant pour la survie et la promotion de l'opérette. Voici qui arrive sur son âne, avec Michel comme un Esther, et accompagné au piano par Pierre Petit, directeur de l'École Normale de Musique, Tony Ammirati. De là, je me sens triste malgré moi. Ah, que c'est amusant, en tête, mais que précieux montre-nous. Et moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne. De là, carré, ma chemine, pas trop dîne, pas petit trône, pas dessus de la carré, mais que tu ne passera. De là, carré, ma chemine, pas trop dîne, pas petit trône, pas dessus de la carré, mais que tu ne passera. Mais en cueillant des fleurs dans l'herbe, elle accueille mon cœur, je vois. Mais dans l'eau, fleurs vite, bien vite, marguerite, écoute les coups. Eh bien, j'aimerais à huis clos interroger la marguerite. De là, carré, ma chemine, pas trop dîne, pas petit trône, pas dessus de la carré, mais peut-être que passera. De là, carré, ma chemine, pas trop dîne, pas petit trône, pas dessus de la carré, mais peut-être que passera. Tony Ammirati, vous êtes régisseur général du Grand Théâtre de Reims, mais vous êtes aussi chanteur, animateur, comédien, enfin vous êtes un homme à tout faire. Et alors je voudrais quand même savoir quel a été le cheminement de votre carrière. D'abord avec un nom pareil, vous venez d'où ? Je suis de descendance italienne, mais si on veut remonter, je pense qu'on peut arriver à des branches sémites sûrement. Quels ont été vos premiers professeurs, comment ? Mon premier professeur, j'avais 17 ans, c'est un grand baryton qui s'appelle Édouard Rouard. Je l'ai connu 3 mois, j'ai travaillé 3 mois avec lui, et il est mort, il avait 85 ans. Voilà. Et donc c'était un très très grand baryton que j'ai connu trop peu longtemps, hélas. Donc j'ai travaillé le chant donc, avec Rouard, et puis après je suis resté 10 ans à Nice, à l'Opéra de Nice, et je suis parti en 1968 pour la Suède. Je suis resté un an en Suède, je suis revenu à Limoges avec Georges-François Hirsch, le fils. Et je suis allé à Nancy après, où j'ai connu donc Jacqueline Brumer, avec qui j'ai fini de travailler. Ah bon ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, elle ? Bien, d'abord, un style, ouais. Parce que Jacqueline Brumer est une... Mozartienne. Je ne suis pas tellement Mozart, hein. Je suis spécialiste des rôles de composition, c'est-à-dire des... Je me déguise, je me maquille beaucoup, cicatrice, énormément. Mais elle m'a appris beaucoup de choses. D'abord, une discipline. Et puis aussi, bon, une grande confiance en soi, c'est ça. Ah oui. Voilà. Vous savez qu'elle était chef des chœurs à l'époque à Nancy. Moi, j'étais second baryton, deuxième comique en saison. Et c'est une dame, je ne sais pas si elle nous écoute aujourd'hui, je l'espère, c'est une très grande amie. Les gens avaient peur devant elle. Mm-hmm. Et souvent, elle me disait, tu vois, Tony, je vais rentrer, mais je suis mort de trac. Alors, je rentre, je prends le taureau par les cornes et je viens d'imposer. Ben, on ne sait pas si elle nous écoute, mais nous, on peut l'écouter. Bien sûr. Un document unique, précieux, Jacqueline Brumer, Les filles de Cadix, de Léo Delibes. Dites-moi, voisin, si j'ai trop de mille, et si ma Bastille Alors, bon, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous faites aussi du cinéma? Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal de cinéma. J'en avais fait un peu dans ma jeunesse, mais alors de tout petit, de la figuration et des petits rôles. Et j'ai eu la chance, en 83, de tourner dans le film La Traviata de Zeffirelli. Un tout petit rôle, le rôle du commissionnaire, évidemment, qui n'est pas très grand sur scène, mais qui dans le film prend quand même des proportions. Bon. L'occasion de rester pendant 15 jours avec ces grands artistes que sont Domingo, Teresa Stratas, James Levin, chef d'orchestre et directeur du Metropolitan, Cornel McNeill, qui n'est plus le grand baryton qu'il a été, mais quand même. Il y a eu quelques gros plans qui ont été tournés à Paris, notamment dans la rue du Temple, l'hôtel des finances, que vous connaissez peut-être, a été transformé en sortie de chez Traviata, du premier acte. Et tout avait été transformé, et la rue en face aussi, une petite rue qui s'appelle la rue, dont j'ai oublié le nom, a été transformée en une rue 1830. Et j'avais donc trois groupes de 30 choristes, playback, et mon travail consistait à leur faire travailler les quelques chœurs que nous devions chanter en playback. Travailler la sonorité, le phrasé italien. J'étais donc ce qu'on peut appeler répétiteur playback du film La Traviata, mais des chœurs français. Et vous êtes le seul artiste français dans le film. Le seul artiste français et pratiquement le seul non italien aussi. Tony Amirat et voilà. Domingo, ça bon. Povera donna, sono abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi. Gioire di volontà, di volontà, di volontà per dir. Oh, avant, je voudrais que vous parliez un peu de l'animation, parce que vous faites ici à Reims des choses assez intéressantes. Moi, ça me paraît une de vos actions les plus excitantes. Et bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez amené, par exemple, l'école à l'opéra. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous essayons déjà d'essayer de sortir l'opérette de ce carcan un peu je ne veux pas dire le mot, mais je ne veux pas dire ringardise, mais je voudrais essayer de... Il y a beaucoup de jeunes en France qui chantent, et j'aimerais justement que ces jeunes aient le loisir de chanter et de se présenter parmi le public. Mais pour avoir des jeunes, évidemment, il faut emmener un public jeune. Et nous essayons ici à Reims d'aller dans les écoles et les lycées, et mon travail à Reims consiste, entre autres, lorsque je ne joue pas, lorsque je ne suis pas régisseur général, d'aller dans les lycées et les collèges avec des vidéocassettes, présenter les spectacles que nous avons faits dans la saison. Ce qui fait que nous avons eu la chance cette année d'avoir dans chaque spectacle d'opéra et d'opérette énormément de jeunes. Et notamment dans un grand classique, donc, puisque La fille de Madame Angot est quand même un grand classique, nous avons eu une vingtaine d'élèves du lycée américain de Reims. Ah bon ? Et je suis allé les voir à l'entracte. Bon, ils avaient compris une partie, mais c'était des gens qui étaient enchantés de l'opérette française. Enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites, sans flatteur, mille courtisans. Sous le directoire, tout change, pourtant ne vous y fiez pas. On dit, mademoiselle l'ange, la favorite. Sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer le gouvernement. Barras et roi, manger sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer le gouvernement. Des favorites infidèles, on sait quelles étaient les mains. Les rois étaient trompés par elle. Aujourd'hui, sommes-nous meilleurs? Non, car l'amour est hypocrite et la rivaudienne est chérie. En prix d'or de la favorite, il est dit au roi. Ouais, non, le favori. La souveraine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer le gouvernement. Il chiffonnait la souveraine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer le gouvernement. En plus de ça, nous avons organisé au Théâtre de Reims des visites commentées. Ça part de 8 ans jusqu'à 85 ans, puisque nous faisons classe CM1, CM2, terminale, université, université du troisième âge, comité d'entreprise. Ce qui est marrant, c'est que quelquefois, nous avons par exemple une classe d'enfants de 8 ans qui viennent au théâtre. Ce qui leur frappe le plus, en réalité, la jeunesse, c'est le manque de micro sur la scène. Ça, les jeunes sont frappés de voir que nos artistes chantent sans micro. Ils découvrent les voix, quoi. Voilà, exactement. Et ce qui est marrant aussi, c'est que lorsque je vais faire une visite à un club du 4e âge ou 3e âge, si on a la chance de tomber sur un cours de petits rats, d'enfants de 5-6 ans, de voir ce mélange de générations qui souvent... il y a 4 générations entre les petites danseuses qui ont 5 ans et des fois des personnes qui ont 85, 90 ans. Et c'est extraordinaire de voir ces personnes âgées regarder ces petits-enfants, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis sans cesse de toute façon, j'aime beaucoup mon métier et je suis émerveillé au bout de 30 ans de toujours l'aimer. Il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium très grand. Ce poisson rouge, très rouge... Mais non, monsieur, ce n'est pas l'histoire du poisson rouge, très rouge qu'il faut raconter. Mais comment ça? C'est mon histoire qu'il faut raconter. L'histoire d'Émilie Jolie. Ah, mais c'est vrai ça, nom d'une pipe. Excuse-moi, Émilie, tu sais ce que c'est. Et qu'est-ce que vous avez fait avec Émilie Jolie? Ah, alors ça, Émilie Jolie, moi je n'ai été que technicien, parce que c'est mon épouse Marie-Claire Legrand, qui a eu l'idée, au départ d'ailleurs personne n'y croyait, hein, ça, je parle de... Pas au théâtre, c'était... C'est une idée, une petite classe d'une petite école des environs de Reims, un quartier défavorisé, l'école, si je peux dire le nom, l'école de Dauphineau. C'était des enfants assez, avec des parents chômeurs, enfin vraiment très difficile. Bon. Et la directrice, qui est une amie, avait dit à mon épouse, ce serait bien que l'on fasse un petit spectacle en fin d'année. Bon, alors Marie-Claire me dit, c'est pas mal. Avec l'idée d'Émilie Jolie, on a essayé de faire quelque chose, quoi. Et Marie-Claire a réécrit, très sommairement, a adapté plutôt la musique de Châtel pour des voix d'enfants à cappella. Et au départ, personne n'y croyait. Et il s'est avéré que... Moi-même, au départ, j'ai laissé Marie-Claire travailler. Hein. Et il s'est avéré qu'au moment où on a commencé vraiment à répéter, tout le monde y a cru. Il y a à Reims un creuset, vraiment, où on peut faire énormément de choses, et l'opérette aussi. Mais pour que les jeunes viennent à l'opérette... Il faut, à mon avis, que les artistes soient jeunes. Et des rôles pour vous? J'ai pas tellement le temps de jouer, malheureusement. J'ai demandé à jouer donc un rôle, Charlot, le rôle d'un chauffeur de trolleybus dans de la Canebière. Je pense que c'est tout à fait moi dans la vie. Enfin, pas Marie Trompée, j'espère. Non. Mais la Faconde du Midi, la Faconde du Midi, enfin, je pense que c'est tout à fait mon personnage. C'est un rôle que j'aime beaucoup, que j'ai joué très souvent et que je pense faire l'année prochaine ici à Reims. Aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi. Il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-bière. Elle part du vieux port et sans effort, coquette de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-canne-canne-canne-bière. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil. Joyeuse, elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour trondelaire, elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre canne, canne, canne, canne, bière. Et partout, elle est populaire, notre canne, canne, canne, canne, bière. Elle parle et sans effort, aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne, canne, canne, canne, bière. Il est né le divin enfant, il est né sur la canne bière. Il est né le divin enfant, il est né près du Mont Saint-Jean. Mais là, je crois que vous faites aussi des émissions de radio. Oui, alors c'est donc une radio locale qui s'appelle Radio Magnum. Qui a eu... Radio Magnum. Magnum. Ah bon, évidemment. C'est la radio qui pétille. Hein. Bon. C'est une radio qui a eu le courage de me donner une demi-heure par semaine pour faire une émission que j'ai intitulée Opérette en Champagne. Voilà. Qui passe le dimanche à 12h30, 13h, sur Radio Magnum, donc à Reims. Voilà. Et alors vous racontez l'histoire de l'opérette, là? Oui. Il y a des interviews? Oui, nous avons quelques interviews, évidemment. Je suis bien placé au théâtre, puisque j'ai beaucoup d'amis qui viennent, donc, que j'interview et tout. Et puis, j'essaie aussi de sortir un peu l'opérette, c'est-à-dire que dans mon émission, ma petite émission, pas comme la vôtre, cher ami, évidemment, j'essaie de passer le plus possible de musique et je, de parler le moins possible, c'est très difficile parce que je suis bavard. Mais je ne fais pas une émission que d'opérette, que l'opérette. C'est-à-dire je fais passer chaque fois un morceau de comédie musicale américaine, de film ou de Broadway, et surtout un air ou un duo allemand. Et j'ai même fait une émission où j'ai mis en comparaison des airs traduits en français, donc chantés par un allemand et par un français. Voilà. Et Crevel. Il faut dire que, voilà, Crevel. Je ne vous le fais pas dire, j'ai trouvé les meilleurs enregistrements français que j'ai pu, mais quelquefois ça ne souffrait pas la comparaison, malheureusement. Et qu'est-ce que vous avez pris comme générique ? Alors, comme générique, j'ai cherché pendant plusieurs jours, et finalement j'ai pris celui auquel j'avais pensé en début, le quadrille d'Orphée aux Enfers. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 4 et 5 août 1986.